Chapitre 2. Le lendemain, Jean, dit le réveil, partit à travers les cours, gagna le petit chemin et fit la course de la veille. Espérait-il la rencontre faite déjà? Peut-être. Il se rappelait la grosse tête du châtelain, un ancien officier de dragons, lourd sur un grand cheval et la figure fine de la jeune fille. Un joli tableau à coller dans les paysages normands. Et puis il ne voyait que des physionomies grossières au billot. Cette tête charmante de vierge espiègle avait ensoleillé le chemin. D'abord par espoir, puis par habitude, cette promenade fut celle qu'il fit tous les matins avant le déjeuner. Quand il arrivait au haut de la côte, Jean s'arrêtait toujours au coude du chemin et, par la trouée d'une barrière, regardait la vallée. À la descente, des terres cultivées en bas, des prés baignés par un ruisseau. Le fond était toujours vert, mais la pente tantôt en labour, jaune, tantôt verte, aux premières pousses, puis dorée à la moisson. Jean contemplait tous les jours ce paysage changeant. Et quand il l'apercevait, les paysans occupés au travail le regardaient. « Tiens, voilà Monsieur Jean qui passe, il est 10 heures, c'est le temps de déjeuner. » Après le repas, il allait au village s'asseoir dans l'unique salle où dormait un vieux billard à blouse et faisait d'interminables parties avec le patron de l'établissement et le beau-père de l'huissier, un vieux forgeron roturé chez son gendre. Le père Régalard l'y rejoignait parfois et l'emmenait dîner. Le soir, il revenait après le repas. La société s'augmentait d'éclairs de notaire et de l'employé du pharmacien, qui restait jusqu'à la fermeture. Jean revenait à la ferme, seul, ayant alors 1 kilomètre à faire. Surexcité par l'alcool, il sentait son cerveau bien disposé au travail. « Sacré, dit, c'est ce soir que je vais faire un bon chapitre en rentrant. Ah, mes vieux, vous fichez de moi, on me nargue. Attendez donc, et l'artiste va vous montrer qu'il l'est, et un peu. » Dans le village, on s'étonnait de le voir vivre en rentier à son âge. Et un soir, dans une discussion, à la fin d'une partie, son adversaire l'avait traité de feignant. « En voilà un qui est heureux que son oncle soit né avant lui, » disaient les commères. Jean rentrait à 11 heures chez le père Régalard, et parfois, faisant du bruit dans l'escalier, réveillait le vieux rentier endormi. « Oui, l'artiste, c'est toi ?»« Bonsoir, mon oncle, » répondit-il. « Je viens de rouler Baptiste en 50 points. » Régalard n'aimait point Baptiste, un des clercs de notaire, et le succès de Jean le ravissait. « T'as bien fait, mais tu sais, tu vas t'abîmer la santé à rentrer à cette heure-là. » Jean montait dans sa chambre en se disant « Je rentre tard, c'est vrai, mais je ne sortirai plus le soir. » Et il songeait à sa bonté, ce qu'on obtiendrait de lui avec la douceur, c'était surprenant. Ainsi son oncle lui faisait un reproche, il en sentait tout le bien fondé, et ne lui en voulait pas. Autrefois, à Saint-Pierre-sur-Dix, son père ne lui disait rien de plus, mais le faisait sur un tel ton qu'il était tenté de rentrer 1 heure plus tard le lendemain. Il se surprenait alors à penser à ses parents, qu'il n'avait pas vus depuis l'aventure du portrait de M. Darrel, n'ayant pas osé retourner à la ville. Mais son oncle, qui allait au marché tous les lundis, lui en rapportait des nouvelles. « Ton père va bien, et ta mère t'embrasse, » disait le vieux en rentrant. Et c'était tout. Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'à chaque fois, les parents de Jean accablaient de scène à n'en plus finir le père Régalard. « Voyons, qu'est-ce que vous voulez en faire ? L'héritier ? Mais ça ne vous regarde pas. Il reste là tous les jours à se promener, la canne à la main. Il ne fait rien. Est-ce une occupation pour un jeune homme ?» Le vieux ne répondait pas. Il ne pouvait plus se passer de Jean, dont la société l'amusait. Sans son neveu, il était seul au billot. Bah, ses moyens pouvaient lui permettre cela. Jean était comme son garçon. Quant à l'avenir, Jean n'avait pas à s'en inquiéter. Est-ce qu'il n'était pas l'héritier ? Il ne voulait pas dire au Picot que son intention était de léguer directement à Jean sa fortune, en la faisant sauter par-dessus leur tête. Elle devait revenir à la femme du marchand de porcelaine. Le vieux Régalard se vengerait ainsi du refus d'un billet de 1000 francs qui lui avait été fait autrefois et qu'il n'avait pas oublié. Jean connaissait les intentions de son oncle, et c'est ce qui le faisait rester au billot. Sans cela, comme il serait retourné à Paris, car il commençait à être repris de ses idées de grandeur. Et que faire au billot ? Travailler ? Impossible. Il s'en apercevait. Venir en province, c'est excellent pour amasser des documents. Mais pour les coucher sur le papier, il lui fallait, pensait-il, la fièvre du boulevard, la certitude d'être imprimé le lendemain, les discussions avec les gens du métier, les lectures des journaux et des revues. Tout cela lui manquait. Et puis, le volume paraissant, en recevrait-il tout le profit au fond de sa province ? Les compliments des amis, les sourires des femmes, la menue monnaie de la célébrité. Il avait son plan. Vivre d'abord, amasser des documents et quand il viendrait à Paris, tout serait bien. Alors il écrirait. Quelque crainte le prenait d'être retenu longtemps chez son oncle, qui était encore solide, mais il s'en consolait en se rappelant que Jean-Jacques, pour ne citer que lui, débuta fort tard dans la littérature. Et les journées et les mois s'écoulaient, uniformément. Le dimanche, Jean et son oncle, qui ne fréquentaient pas les offices, allaient aux fêtes paroissiales des villages voisins.